بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله متخشف خارسار aujourd'hui le dimanche 24 Ramadan 1441 de l'Hégire correspondant au 17 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude dans la biographie du prophète alayhi salatu wa salam à partir du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et le cours précédent, nous avons parlé, après la bataille de Uhud, qui a eu lieu le 15 Shawwal de l'année 4 de l'Hégire. Après cette bataille, le point qui a été marqué par les musulmans dans la bataille de Badr, et dans laquelle ils ont eu une victoire écrasante, contre Kuffar Quraysh. Donc le point qui était marqué et par cette victoire a été déstabilisé parce que les croyants ont subi dans la bataille de Uhud. Et c'est pour ça, comme on a vu, c'était l'occasion pour ceux qui avaient signé des pactes et des trêves avec le prophète alayhi salatu wassalam quand ils ont vu la force des musulmans dans la bataille de Badr, c'était l'occasion pour eux de rompre ces pactes et de trahir les musulmans également, et c'était l'occasion pour les hypocrites, c'était l'occasion pour eux pour comploter contre les musulmans avec leurs ennemis. Et c'était l'occasion également pour les tribus juives de l'Madina de montrer leur haine pour l'islam et les musulmans. Et ça, yani ça s'est manifesté comme on a vu dans la première bataille que le prophète alayhi salatu wassalam a mené chez les juifs de l'Madina, la bataille qui était contre les Banu Qaynuqa, une des quatre tribus juives de l'Madina, des trois tribus juives de l'Madina, Banu Qaynuqa. Et ça, cette bataille a eu lieu, comme on avait vu, juste après Badr. Juste après la bataille de Badr. Également, D'autres tribus juives ont trahi leur pacte après ce qui s'est passé dans Uhud. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de nécessité de rester liés aux musulmans via ces pactes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillah. Donc, je disais que dans le cours précédent, on a parlé de cette expédition de Raji' qui a eu lieu dans le mois de Safar, l'année 4, trois mois à peu près, après la bataille de Uhud, quand Nabi Isa a envoyé 10 parmi ses compagnons à des tribus arabes, Adal et Al-Qara. Il leur a envoyé ses 10 compagnons, qui étaient des grands savants, des savants qui connaissaient le Coran, enfin des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Donc il les a envoyés pour leur faire da'wah et pour leur apprendre l'islam. Et ça, cette expédition a été envoyée suite à leur demande. Mais comme on a vu, dès qu'ils ont pu assiéger ses 10 compagnons radiallahu anhum, à la tête desquels il y avait Asim ibn Thabit al-Ansari radiallahu anhu, ce grand compagnon qui a participé dans, on dit de lui que c'est un Uqbi, c'est-à-dire qu'il a participé dans le pacte d'allégeance de l'Aqaba. C'est un Aqabi. Il a participé dans le pacte de l'Aqaba. Et c'est un Badri également. Il a participé dans la bataille de Badr et il a participé dans la bataille de Uhud. Vous constatez que ceux qui ont participé dans l'Aqaba, on les attribue à l'Aqaba. Et ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, on les attribue à la bataille de Badr. Parce que ces hommes, ils ont des particularités dans l'islam. Il y a des textes spécifiques qui ont été rapportés à leur sujet. C'est pour ça qu'on dit que c'est un Badri. Et on a vu que parmi les mérites des gens de Badr, c'est que ce sont les meilleurs des musulmans. Ces 313 ou 14 qui ont participé dans cette bataille, c'est les meilleurs des musulmans jusqu'à la fin des temps. Et donc après cette trahison, cette première trahison dans laquelle ces 10 compagnons radiallahu anhum ont été tués, et on a vu la manière dont ils étaient tués, 7 parmi eux ont combattu et les 3 autres se sont soumis parce qu'ils leur ont donné un pacte et une promesse de ne pas leur faire du mal et de ne pas les tuer. Mais dès qu'ils ont baissé les armes, ils les ont attrapés et ils les ont vendus. Les 3 qui restaient, il y a un qui a refusé de le suivre, ils l'ont tué. Et les 2 autres, ils les ont vendus aux kuffars de Mecca. Aux kuffars de Mecca qui les ont tués contre chacun à racheter un, par rapport aux membres de sa famille que ce compagnon avait tué. Radiallahu anhu. Et on a vu l'amour qu'ils avaient, les compagnons radiallahu anhum, pour le prophète alayhi salatu wassalam, au point où l'un d'entre eux préfère subir tout ce qu'il a subi et que le prophète alayhi salatu wassalam ne soit pas touché par une petite piqûre d'une épine. Radiallahu anhum. Au point où Abu Sufyan, qui était un grand ennemi de l'islam à cette époque-là, avant son islam, il n'a pas pu s'empêcher d'exprimer cette vérité qu'il n'a jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un comme les compagnons aimaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, comme on a vu, c'était pas un amour naturel, un amour naturel chez l'être humain. C'était un amour d'adoration et un amour avec lequel ses compagnons se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu également comment Allah azzawajal a protégé le corps de Asim ibn Thabit radiallahu anhu, comme il a protégé son corps, comme lui, il l'a protégé pendant son vivant de tout contact avec un mushrik. Et Allah Azza wa Jal a protégé son corps même après sa mort, radiallahu anhu. Et il n'a pas permis aux mécréants de toucher son corps. Et c'est rapporté également par rapport à Khubayb, radiallahu anhu, que le Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé un homme qui s'appelle Amr ibn Umayya al-Damri, radiallahu anhu. Il l'a envoyé car Khubayb, quand il était tué, ils l'ont attaché à un tronc d'arbre, ils l'ont laissé attaché. Et ils ont mis des gens pour garder son corps. Parce qu'ils savaient que les musulmans pouvaient essayer de prendre le corps. Et donc ils ont mis des gardes, et cet homme, Amr ibn Umayya al-Damri radiallahu anhu, est venu jusqu'à Mecca, et avec une ruse, la nuit, il a pu prendre le tronc d'arbre avec le corps de Khouwayb, radiallahu anhu, et il l'a pris. Donc, est-ce qu'il l'a enterré par la suite? C'est ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit. C'est qu'il a pu l'enterrer par la suite. Et le hadith qui est rapporté par rapport à, au fait qu'il soit enterré est un hadith faible. Et c'est rapporté également que Amr ibn Umayyad Damri radiallahu anhu, il a dit, quand il a pris, subhanallah, la force que Allah lui a donnée, il a pu porter le tronc d'arbre et le corps et prendre la fuite alors que c'était gardé. C'était bien gardé par Kuffar Quraysh. Ils ont désigné des hommes pour le garder. Et il est rapporté dans cette deuxième version comme quoi, quand il s'est éloigné, il a posé le tronc d'arbre avec le corps de Khubayb radiallahu anhu et que il s'est retourné, mais quand il est revenu vers le tronc d'arbre, il a plus trouvé son corps. Le corps était disparu. Wallahu alam, laquelle est la plus authentique des façons dont le corps de Khubayb radiallahu anhu a été enterré? Est-ce que il a été levé ou il a été enterré par des anges ou c'est Amr ibn Umayya radiallahu anhu qui l'a enterré? Tout est possible, mais on n'a pas quelque chose authentique sur laquelle on peut se baser. Donc, ça c'était la première chose, si on peut le dire, la première tragédie après la bataille de Uhud. Et dans le même mois, il y a eu une même tragédie similaire, mais encore plus grave. Dans le même mois que celui de Ba'th al-Raji', Nabi alayhi salatu wa salam, dans le même mois, c'est-à-dire dans le mois Safar de l'année 4 de l'Hégire, Nabi alayhi salatu wa salam a envoyé une autre expédition de 70 cette fois parmi ses compagnons radiallahu anhum. Et c'était pas des compagnons comme les autres. Vous savez que les compagnons, ils ont tous le mérite de la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, et personne ne peut arriver à eux dans le mérite de cette communauté jusqu'à la fin des temps. Mais après, les compagnons entre eux, leur degré de mérite varie. Vous avez les 4 califes bien guidés, vous avez les 10 annoncés au paradis, vous avez ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, ou avant ceux qui ont participé dans le pacte d'allégeance de l'Aqaba. Ensuite, vous avez ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Ensuite, vous avez ceux qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiya. Donc les compagnons, radiallahu anhum, tous Allah les a agréés et Allah est satisfait d'eux. Et eux aussi, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur degré de mérite varie. Et ça c'est valable également pour les prophètes. On ne fait pas de distinction entre les prophètes dans la prophétie et dans la transmission de ce que Allah Azza wa Jalla leur a révélé et dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont tous accompli leur mission comme Allah a voulu d'eux. Mais après, il y a des prophètes qui ont un mérite supérieur à d'autres. Comme Allah Azza wa Jalla dit, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah à préférer certains sur les autres. Mais c'est une préférence dans laquelle il n'y a pas de diminution à l'autre. Celui, quand on préfère un parce qu'Allah l'a préféré aux autres, c'est sans dénigrer les autres, sans que ça donne lieu à un dénigrement pour les autres. Mais c'est une préférence dans le mérite. Allah lui a accordé des mérites supplémentaires qu'il n'a pas accordés aux autres. Alayhi salat wa salam. Et mes frères, ça me donne l'occasion de faire un rappel important vis-à-vis des compagnons radiallahu anhum. Faut être très très vigilant et faire très attention quand on parle des compagnons radiallahu anhum. On parle pas d'eux comme on parle de n'importe quel homme. Le respect qu'on se doit vis-à-vis d'eux est immense. Et rien, ce qu'on a pu voir et ce qu'on va voir, ça justifie, yani ça vous montre le rang élevé de ces hommes. Ça vous montre le rang élevé de ces hommes. C'est pour ça, vous trouvez pas un livre de Aqida dans lequel il n'y a pas un chapitre au sujet de ce fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a qui est les compagnons radiallahu anhum. Et les égarements dans lesquels sont tombés certaines sectes égarées au sujet des compagnons. Que ce soit ceux qui ont exagéré à leur niveau au point de les diviniser ou de faire d'eux des hommes infaillibles, ou ceux qui les ont traités comme n'importe quel homme, n'importe quel autre homme, et qui les ont dénigrés et qui les ont critiqués. Les deux, c'est des voies d'égarement. Et le juste milieu, c'est la méthodologie, c'est la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. On reconnaît le mérite des compagnons radiallahu anhum, et quand ils sont unanimement d'accord sur un point, il ne nous est pas autorisé d'inventer un autre avis au sujet de ce point. Et quand ils divergent au sujet d'une question, il n'est pas autorisé d'inventer un avis qui sort de leur divergence. Et la vérité, c'est dans un des avis dans lesquels ils ont divergé. Et quand rien n'est rapporté d'eux par rapport à une mas'ala, là les hommes de science font leurs efforts. Et on parle d'eux qu'avec le bien. Et on ne dit pas de mal des compagnons, radiallahu anhum, d'une manière absolue, radiallahu anhum. Comme le Nabi Aïssa nous a enseigné, il a dit « إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا » Quand mes compagnons sont cités, ne dites pas de mal, ça c'est la signification. Taisez-vous à laquelle le sens, taisez-vous de dire du mal et ne dites que du bien. Et le Nabi Aïssa, pour montrer le mérite des compagnons, un jour il y a eu une dispute entre deux sahaba, un parmi les premiers dans l'islam et le deuxième qui est entré beaucoup plus tard. Mais les deux c'est des compagnons pour nous. Mais regardez déjà l'écart entre deux compagnons. Un parmi les premiers émigrés, qui est Abdurrahman ibn Auf, et le deuxième, c'est un sahabi dont certainement tous vous connaissez son nom et vous connaissez son mérite, qui s'appelle Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui a été nommé Saifullah, l'épée d'Allah, ce grand homme parmi les sahaba, qui est entré dans l'islam plus tard, contrairement à Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, un des 10 annoncés au paradis, radiallahu anhu. Et il y a eu cette dispute, Nabi alayhi sallam, quand il a su ça, il a dit « La tasubbu ashabi » N'insultez pas mes compagnons. Il s'adresse à qui ici, Nabi alayhi sallam? Il s'adresse à Khalid ibn al-Walid, à notre compagnon, radiallahu anhu. Il dit « La tasubbu ashabi » N'insultez pas mes compagnons, car par Allah, si vous dépensez l'équivalent d'une montagne de Uhud en or, vous n'atteindrez pas la dépense de l'un d'entre eux, équivalente à une poignée d'orge. » C'est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il donne une poignée d'orge auprès d'Allah, ça sera meilleur que si Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu donne une montagne de Uhud en or. Alors que dire de ceux qui sont venus après eux, radiyallahu anhum. C'est pour ça, comme je dis toujours, les compagnons, c'est une ligne rouge. Et quand tu parles des compagnons, parle uniquement pour être sauvé, bi-idhnillah. Parle, et pour être préservé de tout mal, parle avec ce que Allah a dit et ce que le Nabi alayhi sallam a dit. Ou sinon avec ce que l'ulama, parmi les grands savants de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, ont dit. Surtout dans les points qui sont minutieux et sensibles. Vous avez remarqué que quand j'ai parlé de la bataille de Uhud, j'ai dit que les archers sur la montagne qui ont quitté leurs emplacements ont désobéi. Et ça, je me suis permis de le dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit comme ça. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ عَصَيْتُمْ. Donc c'était une désobéissance. Mais j'ai cité tout de suite ce qui est cité dans le même verset. Qu'Allah Azza wa Jal leur a pardonné cette désobéissance. Et cette désobéissance qu'ils ont regrettée et de laquelle ils se sont repentis et que Allah leur a pardonné, et c'était, yani, ils ont tiré des grandes leçons de cette désobéissance. Que ce soit eux, yani eux, que ce soit eux ou tous les compagnons et toute la Oumma jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on tire des profits de cette désobéissance. Mais malheureusement, yani si on voit l'état de la Oumma aujourd'hui et la faiblesse dont on souffre dans cette Oumma, on comprend, quand on se rappelle cet événement, on comprend que yani, parmi les causes, c'est notre éloignement de Tawhid, notre éloignement de la Sunna, l'éloignement de l'apprentissage de Tawhid et de Sunna, et l'éloignement de la mise en pratique de Tawhid et de Sunna. C'est ça la cause de la faiblesse de la Ummah. Quand Nabi alayhi sallam a parlé de la faiblesse par laquelle sera touchée la Ummah, et qu'Allah Azza wa Jal enverra sur eux leurs ennemis et retirera de leur cœur la crainte qu'ils ont d'eux, comme c'était pour les compagnons et le prophète alayhi sallam, Nabi alayhi sallam a dit, et ça ne changera pas jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et la religion, c'est Tawhid et c'est Sunnah. Donc celui qui veut réformer, il faut qu'il comprenne comment la Ummah peut être réformée. C'est avec Tawhid et avec l'attachement à la Sunnah, en propageant la science bénéfique et profitable, et en appelant les gens au Tawhid pur, et en mettant en garde contre l'associationnisme sous toutes ses formes, apparentes et cachées, mineures ou majeures. Également en appelant à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout en mettant en garde, car tu ne peux pas appeler à la sunna sans mettre en garde contre le bid'a, comme tu ne peux pas appeler au tawhid sans mettre en garde contre shirk. C'est pas possible d'appeler au tawhid sans mettre en garde contre shirk, comme c'est pas possible d'appeler à la sunna sans mettre en garde contre le bid'a, l'innovation. Et le muwahhid, quand il entend parler de Tawhid, et il entend les cours au sujet de Tawhid, il sent un apaisement dans son cœur. Bien évidemment, au début, il faut faire des efforts, parce que Shaitan va tout faire pour que tu n'arrives pas à cela. Mais il faut faire preuve de patience et invoquer Allah pour te raffermir et pour te donner la patience dans l'apprentissage de Tawhid. Et après, ça devient la meilleure chose dans ta vie. C'est quand tu assistes à un cours de Tawhid. Et le Mouahid, de la même manière, notez bien ce que je vais dire, le Mouahid, de la même manière, de laquelle il se réjouit quand il entend parler de Tawhid, il se réjouit de la même manière quand il entend parler des mises en garde contre Shirk. Et si on passe à la Sunna, on dira la même chose. Quelqu'un qui a un cœur saint, un cœur rempli avec l'amour de la Sunna, comme il aime quand on appelle à la Sunna, il aime également quand on met en garde contre les innovations et les innovateurs. Et il commence pas à dire non, ça divise. Là, ça divise pas, Yahi, ça purifie. Après, faut pas sortir des choses comme ça. Il faut regarder, est-ce que cette critique est fondée ou pas? Si elle est fondée, il faut que tu l'acceptes. Elle est pas fondée, tu l'acceptes pas. Amma de sortir des choses comme ça, non, ça divise, non, ça affaiblit, on n'a pas que ça à faire, il y a d'autres choses plus importantes, il y a d'autres priorités. Toutes ces choubouhats que Shaitan jette sur les ignorants, et ceux qui connaissent pas Tawhid et la Sunna comme il faut, ça, on n'en a rien à faire. On regarde, est-ce que cette critique est fondée? Et l'ulama, c'est eux qui décident. Est-ce que, quand la critique est fondée, est-ce qu'on la propage ou pas? Il y en a des fois, ça peut être une critique fondée. Mais on la propage pas. Parce qu'il va y avoir plus de mafsada que de maslaha. Il va y avoir plus de méfaits que de bienfaits à propager cette mise en garde. Et dans tout ça, on revient aux savants. On revient à nos savants. Et c'est ce que j'ai toujours entendu de nos savants jusqu'à aujourd'hui. Quand il s'agit des nawazil et des questions importantes qui concernent la Ummah, on revient pas à un petit talib ilm. On revient aux savants et on les interroge. C'est pas parce que c'est un haq que tu dois le propager. Et ça, peut-être, ça va choquer quelques frères. C'est pas parce que c'est un haq que tu dois le propager. Il faut que ce soit un haq d'abord, il faut que tu regardes le maslaha et que tu reviens vers les savants. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam n'a pas propagé la liste des hypocrites. Il l'a confié uniquement à Hudhayfa radiallahu anhu. Malgré qu'il y avait des masalih et des bienfaits à ce que les gens connaissent les noms de ces hommes qui sont des mécréants. Là, on parle de la grande hypocrisie. Il y a des masalih sans aucun doute. Parmi les masalih, c'est que tu ne le maries pas avec ta fille. Parmi les masalih, si c'est ton père, tu n'hérites pas de lui parce que c'est un mécréant. Et ainsi de suite. Mais malgré ça, le Nabi alayhi salam a vu plus de maslaha à ne pas divulguer cette liste et à la confier uniquement à Hudhayfa radiallahu anhu. Car tous les méfaits pouvaient être évités en la donnant à un compagnon qui allait savoir qui est cet hypocrite et qui l'est pas. Donc on parlait de Bi'r Ma'ouna, dans laquelle le Nabi alayhi salam a envoyé 70 de ses compagnons. Et cette expédition a eu lieu dans l'année 4 de l'Hégire, dans le mois de Safar, c'est-à-dire le même mois que l'expédition précédente des 10 compagnons qui ont été tués. Et l'histoire de cette expédition, l'expédition de Bi'r Ma'ouna, c'est le nom d'un endroit. Bi'r Ma'ouna, c'est le nom d'un endroit . Donc je disais l'histoire de cette expédition, que un homme qui s'appelle Amir ibn Malik Abu al-Bara, ça c'était parmi les grands héros des Arabes, et c'était le maître de la tribu de Amir ibn Sa'sa'a, une très grande tribu de Najd. Yani, dans la péninsule arabique, vous avez 3 grandes régions. Vous avez la région de l'Hijaz, c'est celle qui englobe Mecca et Medina, jusqu'à la mer Rouge. Et vous avez la tribu de Tihama, qui est dans le sud, jusqu'au Yémen. Et vous avez la tribu de... vous avez pas la tribu, la région. Là, on parle de trois régions, et pas de tribu. Et vous avez la région de Najd. La région de Najd, c'est Riyad, et jusqu'à Al-Qasim, tout ça. Donc, si vous regardez la carte de la péninsule arabique, vous allez avoir le Hijaz à gauche, Najd à droite, et Tihama tout en bas. Tout en bas, en dessous de Mecca. Donc, Najd, c'est là où il y avait parmi les plus grandes tribus arabes, parmi les plus fortes tribus arabes. Et cet homme, Amir ibn Sa'sa'a, qui était surnommé Moula'ib al-Asinna. Yani, jouait avec les lances. Yani, jouait avec les lances. Les lances, yani, vous devez savoir ce que c'est, les lances. Les lances, ce sont des armes qui sont utilisées dans les batailles à l'époque, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était utilisé également, qui ont un long manche et qui se termine par une pointe de fer. Et souvent, les lances sont utilisées par les cavaliers, plus que par ceux qui marchent par terre. Et cet homme, il était surnommé Moula'ib al-Asinna, c'est-à-dire il jouait avec les lances. Yani, ça, c'est pour montrer sa force dans les combats. Et c'était un homme très fort physiquement, au point où quand il montait sur son cheval, il disait que ses pieds touchaient le sol. Et ça, ça a été dit par rapport à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, également. C'est un homme très costaud, très balèze, radiyallahu anhu. Donc cet homme qui s'appelle, dont le surnom est Moula'ib al-Asinna, il est venu une fois, fil Medina, il est venu avec un cadeau pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'était un mushrik. C'était un associâtre. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, lui a proposé l'islam. Il l'a appelé à l'islam, il lui a récité le Coran, mais il a refusé d'entrer dans l'islam. Et dans ce que l'imam Ibn Kathir a cité, il n'a pas accepté, mais il n'a pas refusé clairement. Il n'a pas accepté l'islam, mais il n'a pas refusé clairement. Et c'est rapporté dans des versions qu'il a dit au prophète Aïssa al-Salam, à quoi t'appelles est très bien. C'est bien à quoi t'appelles. Yani, tout ce qu'il a entendu de lui, il a entendu beaucoup de bien. Mais malgré ça, il n'a pas accepté l'islam en lui. Mais il lui a dit, par contre, si t'envoyais des hommes aux gens de Najd, les tribus sur lesquelles il est maître, yani leur plus grand maître, cet homme qui s'appelle Amir ibn Sa'sa'a, qui s'appelle Amir ibn Malik, Abu al-Bara, il lui a dit, si seulement t'envoyais des hommes pour leur faire da'wah, et les appeler à l'islam et à ces bonnes choses auxquelles t'appelles. Le Nabi Aïssa al-Salam lui a dit, je crains les gens de Najd. Je crains qu'ils leur fassent du mal ou qu'ils les tuent. Lui a dit, moi je les protège. Moi je les protège. Donc envoie-les et ne crains rien car ils ont ma protection. Et ça c'est quelque chose qui était très connu chez les Arabes, qu'on appelle jiwar, la protection. C'est-à-dire tu vas dans une tribu, même si tu es un de leurs plus grands ennemis et qui veulent ta tête à tout prix, quand tu es protégé par un maître parmi les maîtres des tribus arabes, personne n'osait te toucher. Et ça c'était très très connu chez les Arabes. C'est pour ça que Nabi Aïssa al-Salam, quand il est revenu de Taif, il est entré avec la protection d'un dignitaire parmi Quraysh. Et quand il a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam a accepté. Et il a envoyé 70 compagnons, radiyallahu anhum. Et ces compagnons, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé des mérites des compagnons, parce que c'était des compagnons exceptionnels, radiyallahu anhum. Et ils avaient des qualités en commun. C'était tous, comme on dit, qurra, récitateurs du Coran, mais ce qui est voulu par ce terme, littéralement, c'est récitateurs du Coran. Mais ce qui était voulu par ce terme, avant, chez Salaf, c'est quelqu'un qui connaît par cœur le Coran et qui connaît la science du Coran. Car Salaf, comme vous savez, il mémorise le Coran par dix versets, tout en apprenant la science qu'il y a dedans et en le mettant en pratique. Après, il passe à 10 autres versets. Imaginez ses compagnons, ils ont passé tout le Coran qui était révélé jusqu'à cette époque de cette manière. Donc c'était des qurra qui étudiaient le Coran de nuit entre eux. Ils se réunissaient, ils avaient des assises de science dans lesquelles ils apprenaient le Coran et ils l'étudiaient entre eux. Et de jour, ils ramenaient l'eau à la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam pour donner à boire aux gens et ils allaient ramasser du bois, des bûches qu'ils revendaient et avec l'argent qu'ils gagnaient, ils achetaient de la nourriture pour les pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam. Donc c'était des hommes qui faisaient beaucoup de bien. Et le Nabi alayhi salatu wasalam leur a envoyé 70 hommes comme cela. Et il a mis comme responsable sur cette expédition Al-Mundhir ibn Amr radiyallahu anhu. Al-Mundhir ibn Amr, un très grand compagnon. C'est un Aqbi, Badri, et qui a participé dans Uhud également. Il a participé dans l'Aqaba, il a participé dans Badr, il a participé dans Uhud. Et lui aussi, il était surnommé Al-Mu'niqu li-yamut, c'est-à-dire celui qui se hâtait à mourir dans le sentier d'Allah, subhanallah. Il y a beaucoup de sahaba qui ont été surnommés comme ça, radiyallahu anhum. Et c'est pour ça, comme on a vu à plusieurs reprises, quand ils sortent dans le combat dans le sentier d'Allah, c'est comme s'ils cherchaient la mort à tout prix. Comme il a dit Abu Sufyan, il a dit des hommes qui sont plus attachés à la mort que vous, vous êtes attachés à la vie. Subhanallah. Qui sont plus attachés à la mort et à mourir dans le sentier d'Allah et bénéficier du martyr que les autres sont attachés à la vie. Et on connaît tous l'attachement des gens et de nous également, wallah al-musta'an, à cette vie. On connaît tous l'attachement à la vie. Donc on peut voir comment ces hommes ils étaient attachés à la mort dans le sentier d'Allah. Et quand ils sont arrivés dans la région de Najd et ils se sont approchés des tribus vers lesquelles ils étaient sortis, il est sorti à leur rencontre un homme. Yani, dans d'autres versions, c'est pas lui qui est sorti, mais c'est un sahabi qui est parti le voir. C'est un sahabi qui est parti le voir et l'appeler à l'islam. Il est parti appeler qui? Il est parti appeler à l'islam Amir ibn Tufail. Amir ibn Tufail, c'est le neveu de Amir ibn Malik, celui qui a donné la protection à ses 70 compagnons. Celui qui leur a donné sa protection, celui-là, Amir ibn Tufail, et son neveu, donc Amir ibn Malik et son oncle. Et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Bi'r Ma'ouna. Bi'r Ma'ouna, c'est avec le nom de cet endroit que ça a été appelé cette expédition. Et cet endroit, il se trouve entre les tribus de Banu Amir et Banu Sulaym. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, ils ont envoyé un sahabi qui s'appelle Haram ibn Milhan, radiyallahu anhu, qui est le frère de Umm Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui est le frère de Umm Sulaym, al-Rumaysa, la mère de Anas ibn Malik, le grand compagnon qui a servi le prophète alayhi salatu wasalam pendant 10 ans à Médine, dès son arrivée jusqu'à sa mort, alayhi salatu wasalam. Donc ils ont envoyé Haram ibn Bilhan à ce grand ennemi d'Allah qui s'appelle Amr ibn Tufayl, avec un livre de la part du prophète alayhi salatu wassalam, un écrit dans lequel il l'a appelé à l'islam. Et quand Haram ibn Milhan est arrivé devant Amr ibn Tufayl, et Amr ibn Tufayl c'était un des héros de Najd également. C'était un homme très fort dans les batailles et très très très courageux, comme son oncle Mula' ibn Asinna. Quand il a reçu l'écrit du prophète alayhi salatu wassalam, il ne l'a même pas regardé, il a ordonné à ce qu'on tue Haram ibn Milhan. Ils l'ont tué d'un coup de lance qu'il a traversé entièrement, radiyallahu anhu. Et quand le sang est sorti du corps de Haram ibn Milhan, radiyallahu anhu, il a dit « Fuztu wa rabbil Ka'ba ». J'ai gagné par le Seigneur de l'Ka'ba, j'ai gagné. Et c'était la, ce qu'il a dit quand le sang est sorti de son corps. Et Amr ibn Tufayl, cet ennemi d'Allah, qui a commis une chose que les Arabes ne commettaient pas avant l'islam, une grande transgression chez les Arabes, c'est de tuer le messager du messager. Quand un homme envoie un messager, même si t'es pas d'accord, dans les coutumes des Arabes, et ce qui était connu sur terre de manière générale, on ne le tue pas. Et on lui fait pas du mal. Mais cet homme a tué Amr ibn Tufayl, il a tué Haram ibn Milhan radiyallahu anhu. Et Allah Azza wa Jal a accordé le martyr à ce sahabi radiyallahu anhu. Et ensuite cet homme Amr ibn Tufayl, non seulement il a tué le messager du messager d'Allah, mais il a demandé à sa tribu, les Banu Amir, il leur a demandé de combattre les autres hommes et de les tuer tous. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté parce que leur maître, le maître de Banu Amir, qui est Mula' ibn Asinna, a donné sa protection à ces hommes. Et qu'on doit écouter d'eux ce qu'ils disent. Si on n'aime pas, on refuse. Et ceux qui veulent l'islam, ils choisissent l'islam. Et quand il a vu qu'il voulait pas trahir avec lui et tromper la confiance des musulmans et ne pas respecter cette protection qui a été donnée par leur maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers d'autres tribus de Najd, qui sont Usayya, Wari'l, Wadakwan. Usayya, Wari'l, Wadakwan. Trois tribus. Et eux, ils ont accepté de l'aider dans cette mission. Ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils ont assiégé ses compagnons, radiyallahu anhum, et les ont combattus jusqu'à les tuer jusqu'au dernier. Ils ont tué les 70. Et Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhum, ce Ansari, qui était parmi les 70, lui aussi, ils lui ont donné des coups, mais ils l'ont pas tué complètement. Et lui, il a vécu par la suite, et il s'est rétabli, et il est resté en vie jusqu'à ce qu'il a été tué dans la bataille de Khandaq, des tranchées. Sinon, les autres, les 69, tous ont été tués. Tous ont été tués, radiyallahu anhum. Et rappelez-vous, qui étaient ces hommes? Des grands savants. Parmi les plus grands des savants de Sahaba, radiyallahu anhum. Et pas loin, il y avait deux compagnons, très exactement. Le premier, il s'appelle Amr ibn Umayya al-Damri. C'est le même qui a pris le cadavre de Khubayb, radiyallahu anhum, de Mecca. Il y a un autre qui s'appelle Al-Mundhir ibn Muhammad ibn Uqba. Les deux étaient pas loin de l'endroit où s'est passé ce carnage. Ils faisaient paître le bétail des musulmans. Et à un moment, ils ont aperçu des oiseaux dans le ciel autour de cet endroit vers lequel ont été envoyés les compagnons, radiyallahu anhum. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de grave qui s'est passé. Maintenant, en général, ces oiseaux, ils viennent quand il y a des cadavres et du sang et des choses à manger. Ils ont su qu'il y avait quelque chose de grave qui s'est passé. Ils se sont dirigés vers l'endroit jusqu'à ce qu'ils ont vu que ces ennemis d'Allah ont tué, ces associateurs ont tué les compagnons radiallahu anhum et qu'ils les ont tués tous. Et quand ils se sont approchés, ils se sont concertés entre eux. Amr ibn Umayya, ou plutôt c'est l'autre compagnon qui est le Mundhir ibn Muhammad, il a dit à Amr ibn Umayya al-Damri, radiyallahu anhu, il lui a dit qu'est-ce qu'on fait? Amr ibn Umayya lui a dit, moi je vais retourner à Médine, et je vais informer le Nabi alayhi sallam de ce qui s'est passé. Et là, le Mundhir ibn Muhammad, radiyallahu anhu, lui a dit, par contre, moi, je ne peux pas quitter cet endroit sans combattre ces ennemis d'Allah, comme ils ont tué les compagnons, radiyallahu anhu. Et il a combattu jusqu'à ce qu'il ait été tué. Et ensuite, ils ont attrapé Amr ibn Umayya al-Damri. Ils l'ont pris en otage, et quand cet ennemi d'Allah, qui s'appelle Amr ibn Tufail, a vu Amr ibn Umayya, il lui a demandé de quelle tribu il était. Il lui a dit, je suis de la tribu de Mudar. La tribu de Mudar. Yani la même tribu du prophète, alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salam, on dit de lui que c'est un Mudari. Parce qu'il descend de Mudar. Et là, quand il a entendu ça, et eux, les Arabes, ils vénéraient les Mekwa. Et surtout les descendants de Ismaïl alayhi salam. Et là, il l'a affranchi, il l'a libéré, il lui a dit, j'avais fait un vœu de libérer un homme pour ma mère. Et donc, je te libère. Et il a coupé ses cheveux pour l'humilier et ensuite il l'a libéré. Il l'a libéré comme ça. Ensuite, Amr ibn Umayya al-Damri radiyallahu anhu, il est sur sa route vers Al-Madina. Il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Al-Qarqara. Il s'est arrêté à cet endroit pour se reposer sous l'ombre d'un arbre. Et là, deux hommes parmi la tribu de Banu Kilab, où ça a été rapporté Banu Sulaym. Donc c'est des tribus de Najd, de ceux qui ont tué les compagnons, radiyallahu anhu. Ils se sont arrêtés pas loin de lui. Il est resté jusqu'à... Il a trouvé une occasion... Et il les a attaqués tous les deux, il les a tués. Et à son arrivée à Médine, il a raconté ce qu'il a vu et ce qu'il a fait lui-même. Et ce qu'il a fait, il l'a fait en pensant venger les compagnons, radiyallahu anhum, qui ont été trahis par ces hommes de Najd. Mais le Nabi alayhi salam n'a pas accepté cela de lui, d'avoir trahi ces hommes, car il y avait... Et lui, il savait pas ça. Il savait pas qu'ils étaient en pacte d'alliance et d'allégeance avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et que c'est pas autorisé de tuer quelqu'un qui est en pacte avec le muslimin. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas accepté de lui, mais lui, son excuse, c'est qu'il savait pas, ils étaient pas au courant de ce pacte. Et Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, par Allah, je vais donner la rançon de ces deux hommes que tu as tués. Il a dit, je donnerai la rançon de ces deux hommes que tu as tués. Et la rançon de ces hommes, le Nabi alayhi salam voulait la donner à une tribu juive qui était les alliés de ces deux hommes. Ces deux hommes, c'était pas des juifs. Mais leur tribu était en alliance avec la tribu juive de Banu Nadir. Donc, il devait leur donner cette rançon à eux, parce que ce sont les alliés de ces deux hommes qui ont été tués. Et la rançon, c'est, comme vous savez, c'est 100 chameaux par personne. 100 chameaux par personne. Donc ses compagnons, quand ils étaient tués, radiyallahu anhum, Allah Azza wa Jal a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, une parole que eux, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de la transmettre à son prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, oh Allah, transmis à notre prophète qu'on t'a rencontré et qu'on est satisfait de toi et que t'es satisfait de nous. Et Allah l'a révélé à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et Nabi, alayhi salatu wassalam, a informé ses compagnons de cette parole. Comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Parmi ces hommes qui ont été tués, les 70, il y avait un sahabi qui s'appelle Amir ibn Fuhayra, radiyallahu anhu. Si vous vous rappelez, Amir ibn Fuhayra, c'est un sahabi, c'est le quatrième, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, le quatrième homme qui a accompagné le Nabi, alayhi salatu wassalam, dans son émigration de Mecca vers le Médina. Dans l'émigration de Mecca vers le Médina, il y avait le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr, et il y avait cet homme qui s'appelait Amir ibn Fuhayra, qui était un allié par affranchissement de Abu Bakr Siddiq. Il y avait le quatrième avec eux, c'était Abdullah ibn Urqud, le guide, qui était mécréant. Donc Amir ibn Fuhayra, c'est celui-là. Et lui, il était dans les 70. Il était dans les 70. Et quand Amir ibn Tufail, qui a tué et qui a demandé à ce qu'on tue ses 70 compagnons, quand ils ont attrapé Amr ibn Umayyad Damri comme prisonnier, Amr ibn Tufayl est venu le voir et il lui a dit, est-ce que tu connais ceux qui ont été tués? Il lui a dit, oui, je les connais. Il lui a dit, il lui a montré un homme en particulier qui était Amr ibn Fuhayra. Il lui a dit, tu connais celui-là? Il a dit, oui, je le connais. C'est Amr ibn Fuhayra. Il lui a dit, je l'ai vu cet homme. Quand il a été tué, son corps a été levé vers le ciel jusqu'à ce que je voyais plus son corps. Et après, il est descendu sur terre. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et quand Nabi Issa al-Salam, il a appris cette grande mauvaise nouvelle, cette tuerie et ce carnage qui a été fait à ses compagnons radiyallahu anhum, il a été très très triste. Vous imaginez, ils ont tué 70 comme ce qui a été tué dans la bataille de Uhud. C'est un nombre, c'est énorme. Nabi Issa al-Salam a été très triste et il a fait le qunut, il a, dans sa prière obligatoire, dans les 5 prières obligatoires, comme c'est rapporté dans Sunan Abi Daoud, et ça a été authentifié par le Hakim et l'imam Zahabi également, que le Nabi Issa salam a fait dua contre eux dans la salat, dans salat subh, et salat al-dhuhr, et salat al-asr, et salat al-maghrib, et salat al-isha, les 5 prières quotidiennes. À chaque fois quand il arrive à la dernière raka'a, et après qu'il se lève de recours, il lève ses mains, il invoque Allah contre eux. Il invoque Allah contre les tribus de Banu Sulaym, et de Ri'l, et de Dakwan, et de Usayya. Et les compagnons derrière lui disent Amin, Amin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Qunut Nazila. Qunut Nazila, c'est dua qui est légiféré dans les prières obligatoires, quand il y a une catastrophe, quand la Ummah est touchée par une catastrophe. Mais bien évidemment, ceci n'est légiféré qu'avec l'autorisation et l'ordre du gouverneur. C'est pas les imams d'eux-mêmes, ils font ça. Ça, c'est Qunut Nazila, c'est dans les prières obligatoires. Et il y a aussi Qunut al-Witr, ce qu'on fait dans Salat al-Witr. Et il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'on le fait avant le recours ou après le recours? Mais en tout cas, c'est une sunnah et c'est légiféré. Après, il y a une divergence. Est-ce que c'est dans toutes les nuits ou de temps en temps? Mais en tout cas, c'est une sunnah dans le witr. Et on lève les mains. Et ceux qui prient derrière l'imam disent « Amin » quand il fait une dua. Et quand il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent rien. Rien n'est rapporté. Et celui qui avait tué Amr ibn Fuhayra, c'était un homme qui s'appelait Jabbar ibn Sulma. Et quand, subhanallah, il l'a frappé avec une lance, il lui a donné un coup de lance, il l'a tué, il l'a entendu dire « Fuztu Allah, par Allah j'ai gagné, j'ai réussi ou j'ai gagné ». Et ce mécréant qui s'appelait Jabbar ibn Sulma, qui était mécréant, quand il a entendu dire ça, au moment où il est frappé, c'est des choses que les Arabes ne connaissaient pas avant. J'ai réussi par Allah. Il a demandé à notre homme, il lui a dit, qui s'appelait Abdahak ibn Sufyan. Il lui a dit, je l'ai entendu dire, j'ai réussi par Allah. Par Allah, j'ai réussi. Ou j'ai gagné. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il a gagné? Il a gagné quoi? Il a dit, il a gagné le paradis. Et c'était la cause que cet homme qui l'a tué, qui s'appelle Jabbar ibn Sulma, est entré dans l'islam. Et il fait partie des compagnons. Al-Hafidh ibn Hajar l'a cité dans les compagnons, dans son livre Al-Isaba. Et il a dit, Jabbar ibn Sulma, radiyallahu anhu, regardez là, on va dire radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, et a dit que ce qu'il a incité à entrer dans l'islam, c'est cette parole qu'il a entendue de Amr ibn Fuhayra, de ce qu'il a vu, afwan, ce qu'il a vu de Amr ibn Fuhayra. Donc, rappelez-vous, il a entendu cette parole, et aussi ils ont vu son corps s'élever dans le ciel, et après descendre par terre. Et Nabi Isa salam a continué à faire dua contre ses tribus pendant un mois complet, dans les cinq salawats, quotidiennement. Il faisait dua contre ses tribus qui ont trompé la confiance des muslimines et qui ont trahi les muslimines et qui les ont tués de cette manière. Donc, ce qui s'est passé ici, dans Bir Ma'ouna, ça sera une des causes de la bataille suivante. Qui est la bataille de Banu Nadir. Je ne sais pas si on continue. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Et je vous demande votre patience. En espérant, bi'idnillah, finir la première partie du livre qui concerne la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, avant la fin de Ramadan, si Allah nous le permet. Et après, la deuxième partie de ce livre traitera les particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, et des choses le concernant, que ce soit dans son comportement, alayhi salatu wassalam, ou dans son physique. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit que quand Nabi Isa salam a entendu de Amr ibn Umayya al-Damri qu'il avait tué ces deux hommes parmi les tribus de Najd, de Bani Sulaym ou de Banu Kilab, il n'a pas accepté cela car il y avait un pacte d'allégeance entre lui et les juifs de Banu Nadir qui étaient en pacte d'allégeance avec ces tribus-là. Et il a dit qu'il allait donner leur rançon. Il allait payer le prix du sang pour ces deux hommes qui ont été tués par erreur, car ce compagnon ne savait pas l'existence de ce pacte d'allégeance. Et effectivement, il est parti voir les Banu Nadir. La tribu juive à Médine, il y avait Banu Qaynuqa, Banu Nadir. Ça, c'est la deuxième tribu juive. Et la quatrième, c'est Banu Qurayda. La troisième, Banu Qurayda. Donc il est parti voir Banu Nadir et il a cité ce qui s'est passé et qu'il était prêt, Ali, qu'il allait donner le prix du sang pour ces deux hommes qui ont été tués par erreur. Et ça s'est passé après la bataille de Uhud, comme l'a précisé l'imam Ibn Kathir. Et c'est ça la vie juste. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que ça s'est passé après la bataille de Badr. Et ce qui s'est passé, ça c'est une erreur. Ce qui s'est passé après la bataille de Badr, c'est la bataille de Banu Qaynuqa. C'est les tribus de Banu Qaynuqa. Amma après Uhud, c'est Banu Nadir. Et la troisième tribu qui est Banu Qurayda, Nabi alayhi sallam va les combattre après la bataille de Khandaq, les tranchées. À chaque fois, il y a une tribu qui trahit le pacte avec Nabi alayhi sallam. Et la quatrième bataille que Nabi alayhi sallam a menée contre les juifs fil Madina, c'était dans la conquête de Khaybar, les juifs de Khaybar, dans l'année 7 de l'Hégire. Et après, juste avant sa mort, alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam a ordonné de faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et les faire sortir signifie, comme les savants l'expliquent, c'est pas forcément sortir individu par individu, mais il faut pas qu'ils représentent une puissance dans la péninsule arabique. Et que la seule puissance dans la péninsule arabique, c'est la puissance de l'islam, de la religion d'Allah, la religion de vérité. Donc, Nabi alayhi sallam est parti, après ce qui s'est passé, il est parti voir Banu Nadir, il est parti lui-même, alayhi sallatu wassalam, et il leur a dit, il leur a demandé, pour payer ce prix du sang. Car comme j'ai dit, il y avait un pacte d'allégeance entre eux, et les tribus de ces deux hommes, qui sont des Banu Kilab ou des Banu Sulaym, selon la divergence. En tout cas, c'est une tribu de Najd, de ceux qui ont tué les compagnons, radiallahu anhum, les 70. Il leur a demandé de l'aider pour payer ce prix de sang, car c'était leurs alliés. Et il est parti, lui, et Abu Bakr, et Omar, et Ali. Et ils sont restés à un endroit, en attendant que les têtes de Banu Nadir sortent pour qu'ils discutent avec le prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils arrivent à une solution pour payer ce prix de sang, car c'est beaucoup, c'est 200 chameaux. Et également parmi ce qui est cité par les savants et qui est rapporté dans des hadiths authentiques parmi les causes de cette bataille de Banu Nadir, tout d'abord ça s'est déroulé avant la bataille de Badr. Ça c'est une cause qui a eu lieu avant la bataille de Badr. C'est que Kuffar Quraysh ont menacé certains parmi les têtes des Médinois qui étaient encore mécréants. Et les hypocrites parmi eux, ils les ont menacés. Ils leur ont dit, vous avez protégé cet homme qui est de nous, et vous l'avez protégé, ou bien vous le faites sortir et vous le combattez vous-même, ou bien c'est nous qui vont vous attaquer avec tous les Arabes. Et on va prendre vos enfants et vos femmes, on vous fera voir un jour terrible. Ils les ont tellement menacés qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur et qu'ils ont décidé de combattre le prophète, alayhi salatu wassalam, les hypocrites de Medina. Ils leur ont dit, vous êtes plus nombreux et tout ça, et vous protégez cet homme, vous le combattez, sinon c'est nous qui vont vous combattre tous. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à se préparer pour le combat du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand le Nabi alayhi salatu wassalam a entendu cela, il est parti les voir et il leur a dit, ça vous a fait tellement peur cette menace de Quraysh, et vous voulez vous faire du mal plus que ce que eux ils vont vous faire, Parce que là, vous vous apprêtez à tuer vos frères et vos sœurs. Donc vous voulez faire pour vous-même plus que les choses par lesquelles ils vous ont menacé. Et subhanallah, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les a calmés et ça leur a montré yani, que c'était pas sage du tout de rentrer dans des combats comme ça. Et ils se sont dispersés. Et ensuite, il y a eu la bataille de Badr. Et après la bataille de Badr, Kuffar Quraysh ont fait de la pression de la même manière sur les juifs de Médina. Ils leur ont dit, vous avez les armes, vous avez les forteresses, vous avez les châteaux, et vous avez tout ce qu'il faut. Ou bien vous combattez cet homme ainsi que ses compagnons, sinon c'est nous qui vont vous combattre avec tous les Arabes. Et on va s'autoriser vos femmes et vos biens et vos enfants. C'est-à-dire on les prendra tous en prisonniers de guerre. Et quand ils ont entendu ça, les juifs également, ils se sont mis d'accord yani pour trahir le prophète alayhi salatu wassalam et le tuer. Ils ont envoyé quelqu'un au prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est Banu Nadir, qui ont décidé cette trahison. Et donc ça c'est une des plus importantes causes en plus de ce que j'ai cité précédemment. Ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont envoyé un homme, ils lui ont dit, tu viens nous voir dans notre tribu avec 30 hommes de tes compagnons. Avec 30 hommes de tes compagnons, et nous aussi on va sortir 30 hommes de nos savants. Et vous allez faire un débat, et si ils croient en ta véracité, et que tu es un vrai prophète, et qu'ils croient en toi, nous allons tous croire en toi, et te suivre. Effectivement, ils ont sorti 30 de leurs savants, et Nabi alayhi sallam est parti les voir avec 30 de ses compagnons. Mais quand ils se sont mis dans un endroit, qui n'est pas couvert, une terre vaste comme ça, ils ont vu que c'était pas possible de tuer Nabi alayhi sallam de cette manière. 30 hommes autour de lui, comme ils ont dit, tous ils aiment la mort. Comme vous aimez la vie, comment vous allez l'atteindre cet homme, parmi ces 30 hommes? Et ils ont changé l'arrangement, ils ont dit au messager d'Allah, comment, bien évidemment, on a jeudi le messager d'Allah, comment ils disent au Muhammad? Ils ont dit, comment, on va discuter et débattre, alors que vous êtes 30 hommes? Comment chacun de nous va écouter de l'autre? Viens cette fois avec 3 de tes compagnons seulement. Et nous, on va sortir uniquement 3 savants, et le débat ainsi se fera qu'entre vous. Et Nabi alayhi sallam a accepté également. Subhanallah, regardez comment Nabi alayhi sallam est facile et souple pour le bien des gens. Et dans ce qui est autorisé, bien évidemment. Il est sorti avec 3 de ses compagnons. Et quand ils sont sortis, les juifs sont sortis avec des poignards, des khanjab. En français aussi, ils disent khanjab. Avec des poignards, afin de tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais une femme parmi les Banu Nadir, une juive, dont le neveu était un muslim, parmi l'ansar, a envoyé un message à son neveu et l'a averti du complot des juifs. Elle l'a averti du complot des juifs et qu'il voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et cet homme, ce compagnon, est parti vite informer Nabi alayhi salam. Il a réussi à l'avertir avant qu'il arrive chez les tribus de Banu al-Nadir. Et effectivement, il l'a averti au bon moment. Et Nabi alayhi salam a fait demi-tour et le lendemain, il est venu avec une armée, il les a assiégés tous, toute la tribu de Banu Nadir. Et il leur a dit, vous n'aurez plus de pacte avec moi, il n'y a plus de pacte entre nous, sauf si vous me donnez un nouveau pacte d'allégeance, à partir de maintenant. Et ils ont refusé. Et il les a combattus ce jour-là. Il les a combattus ce jour-là, lui, ainsi que les compagnons. Et le lendemain, le prophète est parti voir Banu Qurayda, l'autre tribu, juive. Et il leur a demandé de renouveler le pacte d'allégeance. Et eux, par contre, ils ont accepté de le renouveler. Et le lendemain, également, il est reparti à Banu Nadir une deuxième fois. Il les a combattus jusqu'à ce qu'ils se sont soumis. À condition de prendre, yani, ils ont accepté de se faire expulser de l'Madina. Ils ont dit, on accepte que tu nous expulses de l'Madina à condition de nous laisser porter chacun sur ses chameaux tout ce qu'il arrive à porter de ses biens. Et Nabi alayhi salam a accepté. Et ils ont porté avec eux tout ce qu'ils pouvaient porter, leurs armes et même yani les portes de leur maison. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit dans le Coran, dans Surat al-Hashr. Surat al-Hashr que Abdullah ibn Abbas appelle Surat Banu Nadir. Car c'est une surah qui a été révélée par rapport à la bataille de Banu Nadir, cette bataille contre les Juifs. Et ils détruisaient leur propre maison avec leurs propres mains, comme Allah a dit. Et avec les mains des croyants. Et ils cassaient la porte. Et s'ils arrivent à la porter sur le chameau, ils la portent. Ils portaient tout ce qu'ils arrivaient à porter jusqu'à ce qu'ils ont chargé leur chameau et ils sont partis ainsi. Ils sont partis ainsi, ils ont quitté le Médina. Ils sont partis vers la ville de Khaybar. Vers la ville de Khaybar. Et ça, c'est la dernière bataille du prophète A.S. contre des juifs. Et ça sera contre ceux-là de Khaybar également. Et subhanallah, cette tribu de Banu Nadir font partie des 12 tribus juives. Mais cette tribu, elle avait une particularité, c'est qu'elle n'a jamais été expulsée de la terre. Contrairement à toutes les autres tribus juives. Et c'était la seule qui n'avait jamais subi cela. Mais pour accomplir la promesse d'Allah Azzawajal, dans laquelle il leur a promis d'être expulsé sur terre, yani, le Nabi alayhi salam a accepté de les expulser et il ne les a pas tués. Sinon, il les aurait combattus alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est comme c'est cité dans Surat al-Hashr. Comme je vais vous lire. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. Donc Allah Azza wa Jalla commence cette surah dans le sens approximatif. Allah dit وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Si Allah n'avait pas décrété leur bannissement et leur expulsion sur terre, il les aurait châtiés dans ce bas monde, alors que dans l'autre monde, ils auront le supplice du feu. Donc pourquoi, yani, Nabi alayhi salam ne les a pas combattus, ne les a pas tués? Parce que Allah azza wa jalla avait décrété sur eux qu'ils soient bannis. Et il fallait que ça se concrétise. Et comme je vous ai dit, c'est la seule tribu qui n'a pas subi cela des 12 tribus juives. Ensuite, là, je dis cela parce qu'ils se sont opposés à Allah et à son messager. Or, quiconque s'oppose à Allah doit savoir qu'Allah a le châtiment très dur. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Chaque palmier que vous avez coupé, car les musulmans, ils ont coupé les palmiers qui étaient pour la tribu de Banu Nadir. Ils ont coupé ces palmiers. Chaque palmier que vous avez coupé ou laissé droit sur ses racines, ils ont coupé une partie et laissé une partie, c'est par la permission d'Allah que vous l'avez fait. Et pour qu'Allah humilie les pervers qui sont les Banu Nadir. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Le butin qu'Allah a accordé à son messager est pris sur leur bien que vous l'avez obtenu sans combat, car ils n'ont pas résisté. Ils se sont soumis. Que vous avez obtenu sans combat, sans y engager ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à son messager l'autorité sur qui il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a enseigné à son prophète alayhi salam comment répartir et partager ces butins entre les musulmans. Et Nabi alayhi salam a donné ce butin, il a donné la majorité de ce butin aux émigrés. Et il a donné à personne parmi les Médinois, excepté deux hommes. Il leur a donné à ces deux hommes, parmi les Médinois, qui sont Abu Dujana, radiyallahu anhu, et Sahl ibn Hunayf. Sahl ibn Hunayf, car ils étaient très très pauvres. Mais sinon, tout ce butin que les croyants ont obtenu sans guerre et sans combat a été réparti entre eux, les émigrés, car c'est eux qui étaient les plus pauvres. Et donc, Nabi alayhi sallam est sorti combattre Banu Nadir et il a laissé comme responsable sur le Medina Ibn Ummi Maktoum. Ils sont sortis les combattre dans le mois de Rabi' al-Awwal et il les a assiégés pendant 6 jours. Et c'est pendant cette période, comme il a dit Ibn Hazm, il a dit que c'est pendant cette période que le vin était interdit. Que le vin était interdit. Yani d'une manière stricte et définitive, après les autres étapes dans lesquelles il a été une fois blâmé et une deuxième fois il a été interdit avant les salawat et finalement il a été strictement interdit de manière complète et absolue. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie à Médine, il a envoyé certains de des hypocrites avant lui à la tribu de Banu Nadir pour les encourager à combattre, parce que les juifs c'était peureux. Et pour les encourager à combattre, il a envoyé certains de ces hypocrites pour leur dire que combattez, et si jamais il y a combat, nous allons sortir et combattre avec vous. Et il les a leurrés ainsi. Et c'est pour ça qu'ils se sont protégés dans leur forteresse. Et le Nabi alayhi salam, comme on a vu, a ordonné de couper une partie de leurs palmiers et de les brûler. Et quand ils étaient fatigués, après cette période dans laquelle le Nabi alayhi salam les a assiégés de 6 jours, ils ont demandé à ce que le Nabi alayhi salam les laisse partir avec leurs biens, uniquement les biens qu'ils peuvent porter sur leur monture, comme on a vu. Et ils sont partis, la plupart d'entre eux sont partis vers Khaybar. Parmi ceux qui sont partis à Khaybar, Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya radiyallahu anha, et Salam ibn Abi al-Huqayq, un des grands juifs également, de leur tête. Et ils ne sont entrés dans l'islam ce jour-là parmi les juifs que 2 hommes. Abu Sa'd ibn Wahb wa Yamin ibn Umayr ibn Ka'b. Et Nabi alayhi salam leur a donné à ces deux leurs biens entièrement. Et le reste des biens qui ont été laissés par les autres juifs, comme je vous ai dit, ils étaient répartis entre les émigrés et de l'Muhajiri et de l'Ansar. Ils n'ont obtenu une part que 2 hommes, Abu Dujana et Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhuma. Et ça, c'est des butins que les croyants ont obtenus sans bataille et sans guerre. Et c'est dans cette bataille que Allah Azza wa Jalla a révélé Sourate Al-Hashr, que comme on a vu, et comme il le dit ici Ibn Kathir rahimahullah, il dit que Abdullah ibn Abbas l'appelait Sourate Bani Nadir. Sourate Bani Nadir. Et ainsi se termine cette bataille de Banu Nadir. Inch'Allah, nous allons essayer de faire un résumé dans le cours prochain, bi'idhnillah. Et vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois, j'essaie de faire des résumés pour retenir les informations très très importantes et capitales dans chaque événement. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. وبارك الله فيكم pour votre patience. Et avant de finir, je viens de penser à ces quelques jours qui restent de Ramadan et ces quelques nuits qui restent du mois de Ramadan. Cette nuit, bien évidemment, c'est la nuit du 25 Ramadan pour nous, fil Medina. Donc là, on est dans les dernières nuits de Ramadan, les nuits dans lesquelles il y a le plus de chances d'avoir Laylat al-Qadr. C'est pour ça, il est fortement recommandé et il est très demandé de multiplier les efforts encore davantage dans ces nuits qui restent, et d'exploiter chaque minute et chaque seconde, et de les remplir avec les adorations, notamment ad-du'a, l'invocation d'Allah. Et subhanallah, ça, comme je l'ai entendu de certains de nos hommes de science, c'est que dans Hadith Aisha radiallahu anha, dans le Sahih, dans l'authentique, quand elle a interrogé le Nabi alayhi salam, si je pense qu'une nuit est la nuit de Laylat al-Qadr, et la nuit de l'Qadr, qu'est-ce que je dis? Yani, qu'est-ce que je dis dans mes invocations? Parce que Sahaba, pour eux, ils savent que Laylat al-Qadr, c'est une nuit dans laquelle la chose la plus demandée, c'est de faire dua. Mais elle a demandé au prophète alayhi sallam de lui enseigner une invocation spécifique à cette nuit. Et ça, c'est une règle générale dans les hadiths de Nabi alayhi sallam. Vous trouvez qu'il y a des invocations qu'on dit tout le temps et des invocations qu'on dit à des moments particuliers et précis. Et les invocations qu'on dit à des moments précis, c'est les invocations les plus en adéquation à ce moment-là. Et vous ne trouverez pas meilleur à dire dans ces moments-là. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle dit au prophète alayhi sallam, qu'est-ce que je dis? Je sais que je fais du'a. Si je sais que c'est Laylat al-Qadr, on est d'accord. Là, je vous explique la version. On est d'accord qu'on fait du'a. Mais quel du'a faire? Quelle est la meilleure des du'a à faire cette nuit? Le Nabi alayhi sallam lui a dit, Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. Et subhanallah, la sagesse, bien évidemment, c'est dua qui est le plus adéquat cette nuit qui existe. Il n'existe pas une dua plus adéquat cette nuit. C'est pour ça il est rapporté de Aisha radiallahu anha, si ma mémoire est bonne, dans Musannaf Ibn Abi Shayba ou Abd al-Razzaq, avec une chaîne de transmission qui a été jugée bonne par certains parmi les hommes de science, que Aisha radiallahu anha a dit, si je sais que c'est Laylat al-Qadr, je ne dirai pas autre dua que celle-là. Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anni. Parce qu'elle a compris que c'est ça la dua la plus adéquate à cette nuit. C'est une nuit dans laquelle sera décrété tout ce qui va t'arriver sur une année jusqu'à la nuit de Laylat al-Qadr prochaine. Tout ce qui va t'arriver sera décrété cette nuit-là. Et ça, c'est le décret annuel. Comme vous savez, il y a le décret yani absolu, celui qui a été fait 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Et après, il y a d'autres décrets qui sont des décrets dans les autres, dans ce décret général et global. Donc, cette nuit dans laquelle sera décrété tout ce qui va t'arriver sur une année, quelle est la meilleure chose à dire? C'est de demander à Allah son afou et son pardon. Et si Allah t'accorde l'afou dans cette nuit, ça va te servir toute cette année, subhanallah. Toute cette année. Ça te sera profitable sur toute l'année, jusqu'à Laylat al-Qadr suivante. Et Laylat al-Qadr, cette nuit dans laquelle l'œuvre est meilleure que l'œuvre dans 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Si tu prends 1000 mois, 83 ans, dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr, tu prends un homme qui a fait une œuvre, il a fait 2 rak'at dans Laylat al-Qadr, et l'autre il a fait 2 rak'at chaque nuit sur 83 ans. La récompense du premier est meilleure que la récompense du deuxième. Allahu Akbar. C'est immense. C'est immense et le bienfait d'Allah est immense. Subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, s'il fait 2 rak'at, quelqu'un qui fait 10, quelqu'un qui fait 20, quelqu'un qui fait une sadaqa, quelqu'un qui fait beaucoup de du'a, et ainsi de suite, tout ça sera meilleur que ses adorations pratiquées sur 83 ans dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Donc, je vous invite, ainsi que ma personne, et je vous incite, ainsi que ma personne, et qu'Allah nous le facilite. Qu'Allah nous facilite. Car, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Il n'y a rien de facile que ce que Allah a rendu facile. Il n'y a rien de facile, sauf ce que Allah rend facile. Donc, dua. Dua, là, c'est l'adoration. L'adoration. Il n'y a pas une adoration plus noble et plus méritoire que dua dans l'islam. Et dua, c'est tawhid, bien évidemment. Bien évidemment, dua, c'est tawhid. T'invoques Allah seul. Et tu mécrois en tous ceux qui sont invoqués en dehors de lui. Et tu crois qu'il est le seul qui mérite cette adoration immense, l'adoration de dua. Et tu ne l'avoues qu'à lui, subhanahu wa ta'ala, exclusivement. Ça, c'est le summum de tawhid. Donc, faites beaucoup de dua et dites beaucoup « Allahumma innaka afoun tuhibbul afou anni » et faites cette dua pour vous-même et pour les membres de vos familles et pour tous vos frères et vos sœurs que vous aimez en Allah. Qu'Allah nous accepte tous et qu'Allah nous facilite tous de profiter de cette nuit et de toutes les nuits de l'année. Mais là, c'est un mérite particulier qu'il ne faut pas louper et il n'est privé du mérite de Laylat al-Qadr qu'une personne dépourvue du bien. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite le bien partout qu'on soit. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.